à toutes et tous et bienvenue dans Biodiversité en Val d'Amboise, l'émission consacrée à la biodiversité en Val d'Amboise. Alors si vous nous avez suivis ces dernières années, vous savez que nous avons régulièrement évoqué les étapes de l'Atlas de la biodiversité en Val d'Amboise, une grande étude menée entre 2021 et 2023 pour mieux connaître et préserver la faune et la flore de notre territoire. Aujourd'hui, cette étude est terminée et a permis de dresser un état des lieux précieux de notre patrimoine naturel. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, place désormais à l'action. La communauté de communes Val d'Amboise lance la construction d'un plan d'action biodiversité et vous, habitants du territoire, vous êtes invités à participer via un questionnaire dédié, une occasion unique d'apporter votre regard et de contribuer aux futures mesures mises en place. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Degnaud, maire de Saint-Ouen-les-Vignes et vice-président de la CCVA, en charge de la transition énergétique. Bonjour Philippe. Bonjour et bonjour aux auditeurs. Et puis Thomas Boucard, chargé de mission transition écologique à la CCVA également. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, quels enseignements tirer de l'Atlas ? Quels seront les axes de ce futur plan d'action et comment pouvez-vous à l'échelle, en tout cas nos auditeurs à leur échelle, s'impliquer ? Eh bien, on en parle tout de suite. Je propose qu'on démarre par revenir sur les principaux enseignements que cette étude nous a permis de... Enfin, les constats qui ont pu être établis. Thomas. Bah, sur les constats, en fait, l'étude a vraiment permis d'améliorer les connaissances de la biodiversité sur le territoire, en allant notamment sur des sites qui avaient été très peu prospectés jusqu'ici. Donc il y a eu pas mal de données collectées, ce qui a permis de mettre en avant des enjeux sur le territoire, qui sont que certains sites, certains habitats particulièrement sensibles sont menacés et présentent un enjeu fort, comme les zones humides, certaines prairies, certains boisements. Qu'il y a aussi peut-être des connexions à recréer entre certains habitats pour que permettre la circulation des espèces, ce qu'on appelle les corridors écologiques et la trame verte et bleue. Et qu'il faut que la CCVA et les communes et tous les acteurs qu'ils peuvent, mais peut-être en premier lieu ceux qui ont mené l'Atlas, tiennent compte de la biodiversité dans tout leur champ d'action, notamment l'aménagement du territoire, l'urbanisme, etc., en poussant peut-être le curseur un peu plus loin sur certaines mesures. Je crois qu'il y a eu quand même des découvertes inattendues aussi également dans ces constats. Oui, comme je disais, il y a pas mal de sites qui n'avaient pas été prospectés ou seulement par des observateurs bénévoles et pas de façon professionnelle, si on peut le dire comme ça. Et donc, ça a permis de mettre en avant certaines richesses du territoire, notamment en forêt d'Amboise, où on a eu plus de données sur le chat forestier, qui est une espèce assez rare, qui se montre assez peu. La loutre d'Europe aussi, sur les cours d'eau du territoire, qui a été l'objet de plusieurs observations, alors nocturnes et via ce qu'on appelle des pièges photos. Parce que c'est pareil, c'est une espèce qu'on peut très peu voir, qui est très discrète. Après, ça va être des espèces qui vont être moins connues, mais qui sont tout aussi sensibles et souvent très rares. Ça va être un criquet, par exemple, qui vit sur les plages de la Loire et pour lequel il n'y avait pas de données sur le territoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas présent avant, ça veut juste dire qu'on n'avait pas cherché et donc on n'avait pas trouvé cette espèce-là. Et pareil pour certaines plantes qui ont été trouvées, dont certaines sont parfois en danger critique d'extinction en région centre, et pour lesquelles on a un devoir particulier, puisque en fait on a découvert que certaines stations étaient parmi les dernières d'Indre-et-Loire, donc en Val d'Amboise. Donc, ça nous donne un rôle important à jouer. Très bien, donc on peut dire que l'état de santé général de la biodiversité en Val d'Amboise est plutôt bon. Le nombre de données collectées nous laisse penser que oui. En fait, il n'y a jamais eu autant d'observations, il n'y a jamais eu autant d'espèces identifiées. On est à 1800, presque 1900 espèces identifiées. Pour beaucoup, on connaissait leur présence. On n'avait juste pas d'observations à tester, de choses comme ça. Donc on pourrait penser que oui, mais en fait, comme partout, la biodiversité, elle est menacée, elle a tendance à décliner. On le voit notamment à travers les habitats dont je parlais, quelques zones humides très particulières, quelques formations végétales très spécifiques. Il en reste seulement des reliquats un petit peu sur le territoire. Mmh. Et donc, si rien n'est fait, elles ont vocation à disparaître, malheureusement. Très bien. Philippe, vous partagez tous les constats que Thomas a pu nous partager ? Bien sûr. Alors, ce sont des constats scientifiques, hein, mais c'est également des constats à porter auprès de la population. Et cette période de diagnostic et cet état des lieux a permis finalement d'identifier un certain nombre d'acteurs, qu'on voudrait voir encore plus nombreux, d'où l'objet de notre démarche qu'on va peut-être expliquer tout à l'heure. Bien sûr. Prendre une conscience finalement que notre environnement est fragile, même notre environnement au quotidien, hein, celui dans lequel on vit tous les jours. Et puis on a une démarche, je veux dire, plus que politique, on a une démarche environnementale qui doit être portée par l'ensemble. Alors, des élus, des acteurs, des techniciens, des connaisseurs de la nature et de toute une population qui vit dans cet environnement fragile. Mmh. Environnemental, mais ça passe forcément par des politiques locales. Tout à fait, et un engagement. Alors, il y a justement un plan d'action biodiversité qui découle de cet atlas, évidemment, que la CCVA lance à présent. En quoi ça va consister et est-ce que ça va être traité par priorité ? Thomas. Désigné volontaire. Très bien. L'objectif, c'est de donner une suite concrète à l'atlas biodiversité. En fait, on a identifié des enjeux sur le territoire. On a toute une série de préconisations qui ont été faites pour maintenir ou restaurer la biodiversité. Maintenant, c'est quelles actions on met en place, quelles préconisations on choisit de mettre en œuvre, parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire tout de suite, et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On a la connaissance. Là, ce qu'on cherche à avoir, c'est aussi la connaissance de ce que font les autres acteurs, sur qui on peut s'appuyer, avec qui on peut travailler, quelles actions on peut faire aller plus loin. Donc c'est tout ça, le travail qui est en cours, en fait. D'abord, c'est une sorte d'état des lieux. Coordination de chaque... Oui, des rôles de chacun. Oui, c'est quand ça. Vous dites les différents acteurs, là on parle des acteurs politiques, par exemple les municipalités qui constituent la communauté de communes, ou est-ce qu'on parle des associations qui déjà peut-être interviennent sur ces communes ? On parle des deux, en fait. D'accord. En fait, suite à l'Atlas, on a été à la rencontre de chaque équipe municipale. Monsieur Denio pourrait en parler. Oui, c'est ce que je voulais rajouter, mais je savais que Thomas n'allait pas l'oublier. C'était le lien finalement avec notre période diagnostique Atlas et puis notre prise de contact local avec ce qu'on a appelé nous le Biodiv Tour. Hein. Donc on l'emploie avec précaution maintenant. On sait que c'est, je pense, c'est un nom déposé, enfin du moins utilisé. Donc au contact de toutes les municipalités, des maires et des équipes et des conseillers concernés par le sujet, qui se sentaient concernés. Donc pour le lien à faire avec le programme d'action à venir, puisqu'on part forcément d'une base. Hein, donc, on considérer qu'il y a deux bases. Hein, ce sont les élus, hein, donc, qui ont des leviers à leur niveau, et puis la population qu'on appelle, bien sûr, à nous rejoindre le plus largement possible. Mmh. Population qui avait déjà été mobilisée au moment de l'Atlas, puisqu'il y avait des référents par commune qui s'étaient portés volontaires. Ils sont toujours dans la boucle ? Oui, il y a des référents qui sont des élus ou des habitants dans chaque commune, au moins un référent, un ou une référente. Et effectivement, ils sont toujours mobilisés. Alors, les référents Atlas sont devenus des référents biodiversité, tout simplement. Comme l'émission. Comme l'émission. Et on continue à travailler avec eux étroitement pour que le plan d'action soit construit, surtout, avant tout, avec les communes qui, encore une fois, font déjà des choses, ont des besoins, des attentes. Voilà, donc on construit avec ces référents toujours. Donc une coordination pour voir qui fait quoi, et donc un outil qui est le questionnaire, je crois, qui lui est déjà en ligne. Pour les habitants, vous pouvez nous en parler. Pour compléter ce travail d'état des lieux, en fait, du qui fait quoi, et quelles sont les attentes de chaque public. Donc on a vu les communes, on a fait un courrier à différents acteurs, et maintenant, effectivement, il y a un questionnaire qui a été lancé à destination des habitants. L'objectif, c'est le même, c'est de savoir quelle est la perception des habitants de la biodiversité, qu'est-ce qu'ils en connaissent, et puis quelles sont leurs attentes vis-à-vis du sujet. Qu'est-ce qu'ils attendent de la part de leur commune à mettre en place ? Qu'est-ce qu'ils font chez eux aussi ? C'est important de savoir quelles sont leurs pratiques. Mmh. Et puis, qu'est-ce qui leur manque peut-être ? Quels sont leurs besoins pour mettre en place d'autres pratiques en faveur de la biodiversité ? Ce questionnaire, il ne s'adresse pas à des experts nature. On est d'accord que c'est pour monsieur, même tout le monde qui observe les hirondelles dans son jardin ou qui... Voilà, c'est vraiment accessible à tous et justement, c'est là tout l'intérêt. Oui, c'est vraiment pour tout le monde. On sait que les personnes sensibilisées vont répondre très certainement, mais l'idée, c'est que tout le monde puisse répondre. Et plus on a de réponses de personnes même qui ne connaissent peu la biodiversité ou qui n'ont pas tellement d'idées de ce qu'elles peuvent faire, plus ça nous aiguille, nous, derrière, pour mettre en place les actions les plus appropriées. Et nous l'avons voulu simple, hein, 20 questions, donc 20 réponses souhaitées, attendues, 5 minutes de temps finalement demandé pour remplir ce questionnaire. Là, voilà, on ne s'adresse pas à des spécialistes, mais surtout à des observateurs. Mmh. Et chacun peut donner sa perception. Je vais des questions, par exemple, qui est, est-ce que vous avez l'impression d'observer la nature autour de vous ? Facile de répondre à cette question. Un peu moins facile de jauger sur une échelle, parfois, mais en tous les cas, ça reste tout à fait accessible. Très bien. Ce questionnaire, jusqu'à quand il est en ligne ? Jusqu'à quand on peut le renseigner et faire passer autour de nous l'information qu'il est à renseigner ? Alors, il est en ligne jusqu'au 30 avril, donc il reste encore un peu de temps. Il est accessible sur tous les outils de la CCVA de communication, de nos sites internet, la page Facebook. Et puis les communes ont relayé l'information, donc ça devrait être assez simple à trouver, j'espère. Ça devrait, et on mettra le lien évidemment avec le podcast de cette émission. Philippe, vous alliez ajouter quelque chose ? Non, pour dire que finalement, si on est en mal de réponse, eh bien, il suffit de profiter de la belle saison qui arrive et puis d'être simplement dans son jardin, au bord d'une rivière, de la Loire ou dans les forêts, et puis l'inspiration viendra. À ça, on en est bien convaincus sur cette antenne. Est-ce qu'il y a déjà aussi d'autres actions qui sont en réflexion ou qui démarrent avec ce questionnaire, ou en tout cas après ce questionnaire? Alors, on a beaucoup d'idées et de pistes d'action qui émanent de l'Atlas Biodiversité, oui, avec les préconisations qui nous ont été faites. Donc, on sait quels sont les axes principaux. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, restaurer certaines zones qui sont en jeu, voilà. Planter, faire de l'éducation à l'environnement, intégrer les données de l'Atlas au PLUI, au plan local d'urbanisme intercommunal, travailler sur le sujet biodiversité bâti en mettant en place des aménagements pour la faune. Il y a énormément de pistes en fait qui ont été évoquées, mises en avant via l'Atlas, puis par les communes, puis qui vont l'être certainement par les habitants. Et donc l'idée ensuite, c'est de pouvoir analyser tout ça et puis de voir où tous ces acteurs se retrouvent, sur quoi ils se retrouvent, quelles sont les attentes les plus importantes face aux enjeux les plus importants, et puis comme ça construire le plan d'action et hiérarchiser les actions. Très bien. Vous avez suivi un petit peu le budget participatif de la ville d'Amboise, Philippe, ça vous parle ça ? Oui. Vous avez vu qu'un des projets retenus était des nichoirs pour les Martinets. Tout à fait, avec une association SOS Martinets, oui, qui est très active sur notre territoire, et un engagement de la ville d'Amboise sur la construction, rénovation de tous les bâtiments publics, enfin de leurs bâtiments publics, pour intégrer justement cette problématique de l'habitat du Martinet, très particulier, un oiseau très très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses il y a très peu de temps, mais voilà, je suis un petit peu comme tout le monde en attente de connaissances sur tous les sujets de biodiversité. Et donc voilà, c'est une très bonne action, effectivement, oui. Et il y a d'autres budgets participatifs qui sont en route, alors que ce soit Amboise ou Mont-Louis, mais la possibilité pour des personnes qui nous écouteraient, qui auront envie de travailler en direction de la biodiversité avec des idées, pourquoi pas, de les déposer, puisqu'on voit bien que c'est retenu. Donc c'est que ça préoccupe quand même la population, a priori. Très bien. Cette co-construction du plan d'action a un objectif très important pour le territoire, c'est de s'engager pour la reconnaissance territoire engagé pour la nature, qui est une reconnaissance nationale, qui permet finalement de visibiliser nos actions avec les partenaires plus importants que sont l'Office de la biodiversité, l'ADEME, la région, et finalement de s'engager sur un programme de 3 ans, je crois, oui, Thomas, c'est ça, qui sera revu au bout de 3 ans, donc ça nous engage bon, sur du court terme. Je pense que la volonté du territoire, et on est identifié comme tel pour l'instant, hein, c'est de porter ce sujet de la biodiversité de façon longue et assumée. Quoi. Mmh. Et d'ailleurs, ce travail que vous avez fait au tout début, donc c'est-à-dire 2021, d'aller prospecter les autres maires, vos confrères des autres communes, c'est une démarche qui a été plutôt bien accueillie. Oui, bien sûr. Alors, comme toute démarche a sa genèse, il faut expliquer un certain nombre de choses, il faut mobiliser, il faut convaincre. Mais je pense que maintenant, le territoire est bien identifié sur cette démarche-là. Donc, elle est identifiée, bien sûr, par les maires. Puis après, on espère donc être suivi par la population, mais ça, je n'en doute pas. On est même, je pense, alors ça c'est l'élu qui parle et qui parfois est un peu fier de ce qui est porté hein, par la communauté de communes, on est remarqué un petit peu plus largement que notre seul territoire du Val d'Amboise. Et je pense que on porte là une démarche qui est observée. On espère qu'on va il va y avoir des petits tout autour. La biodiversité ne se limite pas aux seules frontières, comme on pourrait dire, d'un territoire ou du Val d'Amboise. Mais en plus, on est sur un axe extrêmement sensible, qui est l'axe ligérien. Donc voilà, je pense que c'est le sujet de tous. Mais il y a des atlas, d'ailleurs, qui, je crois, sont en route dans des secteurs voisins. C'est possible. Moi, on a été contacté par plusieurs collectivités autour qu'on a fait l'Atlas pour avoir des conseils, des informations de notre part. Donc ça prouve qu'il y a une dynamique qui est en marche. Et l'appel à projet ABC, donc Atlas de biodiversité, il est reconduit tous les ans pour l'instant par l'Office français de la biodiversité. Donc il ne faut pas hésiter. Eh bien, plein de belles pistes, de belles perspectives et de jolies initiatives qui vont être mises en œuvre pour la biodiversité en Val d'Amboise, et puis la biodiversité même au sens large, comme vous le disiez. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui. Thomas, chargé de mission transition écologique à la communauté de communes du Val d'Amboise, et Philippe Degnaud, maire de Saint-Ouen-les-Vignes et vice-président de la CCBA en charge de la transition énergétique. On se retrouve bientôt. Avec plaisir. Pour des points d'étape, évidemment, on l'espère. Merci de votre partenariat. C'est la fin de ce numéro de Biodiversité en Val d'Amboise. Merci d'avoir été à l'écoute.